je galope une faufile entre les papates fines des hippopotames qui s'envolent en colonie fofolle. Je les rattrape en chameau pédalant dans l'eau. Comme une tortue je sautille, je galope une faufile entre les papates fines des hippopotames qui s'envolent en colonie fofolle. Je les rattrape en chameau pédalant dans l'eau. Que suis-je après tout qu'un bidule qui gesticule comme vous? Voudriez-vous de moi dans votre bulle? Capi, je roule, je m'en paierai, je déboule en écartelant la foule de diplodocus qui s'échappe et qui dérape et paf, s'éclatait le bec sur un clan de fennec. Comme un okapi, je roule, je m'en paierai, je déboule en écartelant la foule de diplodocus qui s'échappe et qui dérape et paf, s'éclate le bec sur un clan de fennec. Que suis-je après tout qu'un bidule qui gesticule comme vous? Voudriez-vous de moi dans votre bulle? Comme un koala, je danse, je pense, je chante et me lance entre les cornes des gazelles et des sauterelles qui s'enlisent au cœur de la banquise pour s'accoupler sans repos, coller dos à dos. Comme un koala, je danse, je pense, je chante et me lance entre les cornes des gazelles et des sauterelles qui s'enlisent au cœur de la banquise pour s'accoupler sans repos, coller dos à dos. Que suis-je après tout qu'un bidule qui gesticule comme vous? Voudriez-vous de moi dans votre bulle? Comme une antilope, je fouille, je farfouille et me débrouille contre tous mes congénères, les rhinocéros qui les impatinent ou bien tapinent, qui les autres ont préféré vieillir enfermés. Comme une antilope, je fouille, je farfouille et me débrouille contre tous mes congénères, les rhinocéros qui les impatinent ou bien tapinent, qui les autres ont préféré vieillir enfermés. Que suis-je après tout qu'un bidule